Le pire des scarlats jouant dans le rôle du petit, la double face du moi joue infini, c'est manqué. Prenant les gens pour des cons, se fout tout, s'embrouille tout le temps avec les décons. Ils tombent dans un trou, s'engouffrent dans un malaise dont on n'y voit plus la fin. Interminable et l'aveu de sa vie plutôt minable. Mets ta carte sur table, mets ton carte sur table, mets ton carte. Mon esprit speed, c'est le fit libre, je te liquide comme du liquide kid. Je te la prise engloutie comme un petit kid façon. Non, je ne suis pas un caïd, peut-être un cassant hit, mais le scarla à la bouche d'ordre préfère tirer que caner. Tuer ou mourir, il faut choisir. La question ne se pose même pas, le choix est déjà fait pour moi. Est déjà fait pour moi, il faut choisir. La question ne se pose même pas, le choix est déjà fait pour moi. Est déjà fait pour moi. À gauche, le poing fermé, fermé, et toi serré, attention, fermé, fier de ne pas se laisser, fermé, à droite la main, ouverte, impassible, décidé à voir la main verte et paisible pour toi, le choix entre les deux, l'instant critique passible, de tout faire basculer, transformer ton être en attireur ou bien une cible, prendre le risque de bousculer, ton attitude première. Ta méfiance aiguise et développe ton instinct primaire. Survivre, ton seul but. Mais quand t'es cool, c'est croque de bite et langue de pute. Et si t'es froid, on dit que tu te la racontes. C'est où t'écrases les autres, où on t'écrase, c'est toi qui choisis. Tu ou meurs, chaque personne que tu croises. C'est un lancer de dé, un esprit tranquillement chercheur de noises. Évite les toises et les embrouilles d'avoir. Mais comment d'avance savoir. Je te laisse le choix. Tuer ou mourir. Te laisse le choix. Tuer ou pourrir. Laisse le choix. Tuer ou fuir. Pourquoi sourire à un vis-à-vis qui pense qu'avec ta chair il va se nourrir. Tuer ou mourir. Regarde et pas qu'on discute sur un banc, hausse les épaules et disent note jamais. Ils laisseront passer la thune et les femmes avant les potes. Froid saute, écoute, tu sais que l'amitié saute quand se pointe. Les billets, même les pièces, c'est les seins qui pointent. Peu d'exceptions, des amitiés, déceptions. Fais le compte de déception. Regarde même dans ton entourage, c'est triste, mais c'est à tuer ou mourir que l'on t'encourage. Le jour de la fête du nouvel an, les enfants se couchent bien plus tard que ceux d'avant. Ici c'est Noël une fois par an, la joie sur les visages une fois seulement. Le regard désespéré se voit souvent. La dégradation de l'humanité a plané ce sang. Et ce qui me dégoûte c'est ce sang, mais sans ça, un monde sensationnel. Donc 100% de scarlat serait une génération exceptionnelle. Lingo dingue, les scarlats squad groupés. Ce soir c'est la ronde dans un quartier grave huppé. On marche depuis des heures sur mes chaussettes Fredminer. Monte, monte dans la tête de mes assos la colère. Pourrais tuer un gars pour n'importe quoi. Alors imagine si un FN nous pointe son pushka. Je te laisse le choix. Tuer ou mourir. Te laisse le choix. Tuer ou pourrir. Laisse le choix. Tuer ou fuir. Pourquoi sourire à un vis-à-vis qui pense qu'avec ta chair il va se nourrir. Tuer ou mourir. Je te laisse le choix. Tuer ou mourir. Te laisse le choix. Tuer ou pourrir. Laisse le choix. Tuer ou fuir. Pourquoi sourire à un vis-à-vis qui pense qu'avec ta chair il va se nourrir. Tuer ou mourir. Je te laisse le choix mec. Tuer ou mourir gars. Le fréco dinga. Et le cyanure A. Les gars du labo ATK gars. Fréco dinga. Juste pour les scarlats. Aïe.